Le maréchal Kim Jong-un envoyait le Saint-Coran, une couronne mortuaire, devant le cercueil de feu Kang Yun-ha, député à l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, lauréat de l'ordre Kim Il-sung et du prix de la réunification de la patrie, et président du comité central du Front démocratique pour la réunification de la patrie, en signe de ses profondes condoléances.